ghetto, ghetto, rockstar. 2011 et pour l'éternité. Original, Bunker Bros. Wesh, mes sons, ça dit quoi? Home style. Wesh, beat, ok. Wesh, Pierrot, ça dit quoi? Diversion studio. Jay Weezy, ok. Pour les vrais, ça. Façon, les vrais savent. 2011 et pour l'éternité. Original pour Cabros, ok, ok. Mais qui t'a dit que j'avais la science infuse? Mon stylo gun, les anciens le sucent. Mais sur pause, tu verras, mec, que même les anciens me s'usent. Ça pue l'eau, dédis-toi que mon son le plus chill, Batacam. Pose pas au paradis, car c'est en enfer que les bâtards crament. Un mal de crâne quand j'entends la confiance qui se marre fort. On me l'a fait pas deux fois, pas de numéro de pétasse dans le smartphone. Enfermé dans la tête, les malheurs font la fête. Même pour la maille, je suis pas prêt de finir dans une malle au fond de la scène. Je veux pas le tapin, même si c'est vrai que je suis un enfant de la 7. Sans ça, c'est me l'inspirer du seul. Moi, je suis de ceux qui en font de la cesse. Ça vend de la zep, ça nique le bénéf dans les sacs de skate. Ou pour inviter le diable à grailler quand tu grippes tes straps de skate. Les schlasses te guettent et les coups de batte, nos os résistent. Sans résine, je suis pas parano, mais mec, tes poids, mes oreilles sifflent. Les gens résistent pas KO, même si y'a sans orifice. Le bonheur c'est barré, mais dis-toi qu'avec ou sans orifice. Faut faire les balles bien, mais ça c'est plus un mystère. Posé sur mille thèmes, fais pas du pleurat pour que les mises t'aimes. L'instrument ferme, ghetto rockstar, note l'écrou. J'augmente les coups, j'ai écrit plus mesure sur du mois que l'écrou. J'ai le haut des pieds, mon bic est recouvert de fibres optiques, même pour du fric des filles. J'suis pas le gars qui ramène les flics au petit. J'fais l'album, donc mes vrais cas, c'est normal qui croque, branche l'ampli. Rockstar mentalité, j'passe en mode qui. C'est quoi un couplet triste? Dans le rap des buts, j'ai arraché des strings. Bienvenue dans mon district, tu bifes des flics pour t'arracher l'esprit. Tous parano, mais certains ont les mains qui baignent dans le shit. Et pécho le bomba, mais si tu veux fais ce qu'il est peine à deux chiffres. Même s'ils sont tourne, tu veux qu'on sorte à leur passe la fraîche. Ça rôde à deux ou trois, pas cramé dans une passade verte. J'écris la nuit à l'heure où en bas les démons s'alignent. J'vois déjà aller me venir, mais moi j'faisais du rock avant ça. J'reste à couvert car beaucoup de bâtard voudrait canner le rap, mais je garde un œil de l'ex poteau comme Jack derrière la caméra. Laissez des sorts, les MC disent, laissez le carton là-bas. Dealer la carabine, que rien n'a changé depuis fuck la bac. J'ai passé ma jeunesse entre bicrave et freestyle, entre guitare et rime, sale entre corbeille et rimba. Ripa, ça va sortir, pour certains ça s'avère tenace. On est plein d'ambition, mais ça visera pas le chiffre d'un verre de Nike. Faut faire les balles bien, mais ça c'est plus un mystère. Posé sur mille thèmes, fais pas du pleurat pour que les mises t'aiment. L'instrument ferme, ghetto rockstar note les crew. J'augmente les coups, j'ai écrit plus mesure sur du mois. J'ai le haut débit, mon bic est recouvert de fibres optiques. Même pour du fric des filles, j'suis pas le gars qui ramène les flics au petit. J'fais l'album, donc mes vrais cas, c'est normal qui croque. Branche l'ampli, rockstar mentalité, j'passe en mode qui croque.